Deuxième livre des Chroniques, chapitre 10. Et Roboam s'en alla à Sichem, parce que tout Israël était venu à Sichem pour l'établir roi. Or il arriva que quand Jéroboam fils de Nébat, qui était en Égypte, où il s'en était fui de devant le roi Salomon, l'eut appris, il revint d'Égypte. Car on l'avait envoyé appeler. Ainsi Jéroboam et tout Israël vinrent et parlèrent à Roboam, en disant, ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi allège maintenant cette rude servitude de ton père, et ce pesant joug, qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Et il leur répondit, retournez auprès de moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Et le roi Roboam demanda conseil aux vieillards, qui avaient été auprès de Salomon son père lorsqu'il vivait, et leur dit, comment, et quelle chose me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et ils lui dirent, si tu agis avec bonté envers ce peuple, que tu leur complaises, et que tu leur parles doucement, ils te seront serviteurs à toujours. Mais il laissa le conseil que les vieillards lui avaient donné, et demanda conseil aux jeunes gens, qui avaient été nourris avec lui, et qui étaient auprès de lui. Et il leur dit, que me conseillez-vous de répondre à ce peuple qui m'a dit, allège le joug que ton père a mis sur nous? Et les jeunes gens qui avaient été nourris avec lui, lui répondirent, en disant, tu diras ainsi à ce peuple qui t'a parlé, et t'a dit, ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi allège-le nous, tu leur répondras donc ainsi, ce qu'il y a de plus petit en moi, est plus gros que les reins de mon père. Or mon père a mis sur vous un pesant joug, mais moi je rendrai votre joug encore plus pesant, mon père vous a châtié avec des verges, mais moi je vous châtierai avec des fouets. 3 jours après Jéroboam, avec tout le peuple vint vers Roboam, selon que le roi leur avait dit, retournez vers moi dans 3 jours. Mais le roi leur répondit rudement, car le roi Roboam négligea le conseil des vieillards. Et il leur parla selon le conseil des jeunes gens, en disant, mon père a mis sur vous un pesant joug, mais moi je rendrai votre joug encore plus pesant, mon père vous a châtié avec des verges, mais moi je vous châtierai avec des fouets. Le roi donc n'écouta point le peuple, car cela était conduit par Dieu, afin que l'Éternel ratifiât sa parole, qu'il avait prononcée à Jéroboam fils de Nébat, par le moyen d'Aïja Silonite. Et quand tout Israël eut vu que le roi ne les avait point écoutés, le peuple répondit au roi, en disant, quelle part avons-nous en David? Nous n'avons point d'héritage au fils d'Isaïe, Israël, que chacun se retire en ses tentes, et toi David, pourvois maintenant à ta maison. Ainsi tout Israël s'en alla en ses tentes. Mais quant aux enfants d'Israël qui demeuraient dans les villes de Juda, Roboam régna sur eux. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était commis sur les tribus, mais les enfants d'Israël l'assommèrent de pierre, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un chariot, et s'enfuit à Jérusalem. Ainsi Israël se rebella contre la maison de David, jusqu'à aujourd'hui.